Ça y est, je l'ai, mon vieux. Hein? La voilà, ma poule. Non, un chien. On la goûte, quoi? Hé, une minute. Écoute, c'est notre chance de gagner le gros lot. En s'y prenant bien, on pourra se payer un paquet de purs. Et si on se défonce, on va tout faire foirer. Déterminé, comme la pandémie à Mexico. Alors on joue les psychos, dans nos champs lexicaux. Toxico du mic, je viens combler mon manque de studio. Le dealer c'est Blasta, alors le Tosma est studieux. Le rap c'est ma cam, donc quand je pose c'est ma cam. Demande à madame, où passe ma paye de smicard dans ma passion. Après la mif c'est ma raison de vie. J'y décharge toute mon amertume quand j'ai des ennuis. Accro depuis mes 15 ans, je me fais des fixes de son. Je dénonce les PD et sache que les flics le sont. Je me shoot aux 16 mesures et à la gare. J'injecte les rimes dans mon sang avec un bon garrot. Peu importe le tarot, car moi il me faut ma dose. Quitte à risquer l'overdose, je sniffe même de la prose. J'oublie même de manger, trop occupé à écrire. Mon esprit est en danger, mais y'a trop de choses à décrire. Les veines gonflées, les yeux rouges aux pupilles dilatées. Je rentre dans le studio pour mieux m'intoxiquer. Le rap est une drogue, et là je crois que j'en ai mis trop. À consommer des kilos, je suis qu'un toxico du micro. Les veines gonflées, les yeux rouges aux pupilles dilatées. Je rentre dans le studio pour mieux m'intoxiquer. Le rap est une drogue, et là je crois que j'en ai mis trop. À consommer des kilos, je suis qu'un toxico du micro. J'ai fait une cure de raga sans aucun résultat. D'un blast sans peura, c'est comme le parc sans les ultras. On s'envoie les faces par SMS pour ver ce qui l'air nouche. Et depuis que je consomme, on me dit que j'ai l'air louche. Le top, c'est quand je touche une grosse prod du Maroc. Le rap, c'est un business où tu peux te prendre une carotte. Le rap, une drogue dure, donc ils en parlent à l'UMP. Quand ta drogue est coupée, par la nôtre, elle est samplée. Y'en a partout, moi je fais mon trafic. Sur le net, je fais nettour mes sons. Comme toi, tu fais nettour les pets. Pour être honnête, moi je pourrais jamais m'arrêter. Dès que j'allume le micro, après je pense plus qu'à Reggie. J'espère qu'au paradis, on pourra freestyler. Depuis cette année, je distribue les sons comme l'Ecstasy. Je deal avec Rihanna, mes rabatteurs comme Redouane. Cache le matos dans les oreilles pour mieux passer les douanes. Les veines gonflées, les yeux rouges aux pupilles dilatées. Je rentre dans le studio pour mieux m'intoxiquer. Le rap est une drogue, et là je crois que j'en ai mis trop. À consommer des kilos, je suis qu'un toxico du micro, les veines gonflées, les yeux rouges aux pupilles dilatées. Je rentre dans le studio pour mieux m'intoxiquer. Le rap est une drogue, et là je crois que j'en ai mis trop. À consommer des kilos, je suis qu'un toxico du micro. Chez les RG, je suis fiché en grand consommateur. Que de la bonne qualité, donc que des gros sons master. On fait danser les pasteurs, les prêtres et les imams. Car nos mélodies te mettent des coups de tête à la Zidane. On se tapote les veines avant chaque grosse prise lyricale. Nos featuring peuvent être utilisés de façon médicale. Je fais des paradis balles sur ma conso perso, et quand mon gosse arrivera, j'en cacherai dans son berceau. Quand je rappe pas, je suis en sueur et de mauvaise humeur. J'arrive plus à rigoler et mon esprit se meurt, nique sa mère. Les gens me voient tous en drogué. Ils parlent tous dans mon dos, mais ils aimeraient tous croquer. Si mon stylo ne marche plus, je me retrouve dans la tourmente. On se fournit chez les sauces du 7-7, la plaque tournante. Pour améliorer ma cam, cherche les formules dans le tico. D'un blast made in Rinito, un gros toxico du micro. Les veines gonflées, les yeux rouges aux pupilles dilatées. Je rentre dans le studio pour mieux m'intoxiquer. Le rap est une drogue, et là je crois que j'en ai mis trop. À consommer des kilos, je suis qu'un toxico du micro. Les veines gonflées, les yeux rouges aux pupilles dilatées. Je rentre dans le studio pour mieux m'intoxiquer. Le rap est une drogue, et là je crois que j'en ai mis trop. À consommer des kilos, je suis qu'un toxico du micro. Ah, Dabla, c'est de la bonne. Si, si. Ça fonce sa mère. D'ailleurs, je crois que je vais me reprendre une petite dose.